toujours à l'occasion de la journée des soleils significatives, les militaires de l'armée populaire, les travailleurs de toutes les couches, les jeunes et enfants ont visité les statues en bronze et les portraits en sourire du président Kim Il-sung et du général Kim Jong-il érigés dans tout le pays pour formuler leur hommage sublime. Devant les statues en bronze des grands leaders sur la colline Mansu, se trouvait déposée la corbeille de fleurs envoyée par le dirigeant suprême du parti, de l'État et de l'armée Kim Jong-un, président du Parti du Travail de Corée, président du Comité des Affaires d'État de la République Populaire Démocratique de Corée et commandant suprême de l'Armée Populaire de Corée. Y étaient déposées les corbeilles, bouquets et tiges de fleurs au nom des organismes du parti, des forces armées et du pouvoir, des formations sociales, des ministères, des établissements centraux, des unités de l'Armée Populaire de Corée et des forces populaires de l'intérieur de Corée, des établissements, usines, entreprises, écoles de tous les échelons de Pyongyang, ainsi que de la filiale à Pyongyang du Front démocratique national anti-impérialiste. Les visiteurs ont formulé leur hommage devant les statues en bronze des grands leaders. Devant les statues en bronze et les portraits en sourire des grands leaders érigés dans divers endroits de la ville de Pyongyang, étaient déposées également les corbeilles de fleurs au nom des unités de l'armée populaire, des établissements et entreprises. Les militaires de l'armée populaire, les travailleurs, les jeunes et enfants de tout le pays ont visité également les statues en bronze et les portraits en sourire des grands leaders érigés dans leur région pour leur rendre l'hommage sublime.